en pile avec Evelyne Adam, c'est sur France Bleu. Alors, je voudrais vous rappeler que nous jouons toute cette semaine pour vous permettre de remporter un magnifique séjour au Festival du Vent à Calvi du 27 au 31 octobre. Voilà, du 27 au 31 octobre.